Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, Lionel Groulx et le grand tournant de la Révolution tranquille des années 60. C'est sûr que dès avant la Révolution tranquille, dans les années 50, Groulx n'avait plus l'influence d'autrefois sur ceux qui définissaient désormais le destin du Québec, là, puis qu'en un sens, on le considérait plus comme un monument historique que comme un interlocuteur encore contemporain. L'historienne Lucia Ferretti à l'émission Au fil du temps en 1992, homme du passé pour certains, précurseur de la Révolution tranquille pour d'autres, où situer Lionel Groulx par rapport à ce grand virage du Québec durant les années 60? Lionel Groulx mourait il y a 50 ans aujourd'hui. Voici en rediffusion notre émission sur Lionel Groulx et la Révolution tranquille. Monsieur le Chanoine, les choses ont bien changé. On a vu disparaître ces dernières années le Saint-Jean-Baptiste frisé et son mouton. Le Québec a subi bien d'autres métamorphoses. Vous qui avez été en quelque sorte le précurseur du Québec nouveau, que pensez-vous de ce qu'on désigne comme la Révolution tranquille? Bon, c'est une meilleure révolution, évidemment, on est encore qu'au début. C'est qu'enfin, le peuple de la province du Québec sans prendre conscience de ce qu'il est, de ce qu'il devrait être. Et cela l'amène à poser des gestes qui ne sont pas pour le moment, du moins pas chez tous, révolutionnaires. Hein. Mais enfin, des gestes peut-être d'une volonté de libération, hein. Au point de vue politique, au point de vue économique, peut-être surtout, et peut-être là même que ça presse davantage. Et moi, je n'ai qu'à m'applaudir parce que, qu'est-ce que vous voulez, vous n'êtes pourtant pas tombé dans la vantardise. Mais on ne fait qu'exécuter ce que les gens de mon temps, il y a 40 ans, demandaient. La libération économique, nous la demandions en 1920. Lionel Groulx, en juin 1964, au micro de Gilles Moreau, à l'émission En caméra 64, Lionel Groulx était-il en avance sur son temps ou plutôt dépassé par les événements au moment de la Révolution tranquille? C'est la question qu'on va se poser tout au cours de cette émission avec l'historien à la TELUC, collaborateur régulier de l'émission, Éric Bédard, qui est aussi, je le précise, dans le cadre de cette émission, vice-président du conseil d'administration de la Fondation Lionel Groulx. Éric Bédard, bonjour. Bonjour. Éric, vous teniez à faire cette émission, mais vraiment cet aspect très particulier, parce que déjà Lionel Groulx, c'est oui, quelques émissions devant nous, mais Lionel Groulx et la Révolution tranquille. Pourquoi? Parce que c'est un angle intéressant pour voir la complexité, les nuances d'un penseur, mais d'un certain Québec. C'est un homme qui, à la fois, se réjouit de ce qui se passe, mais s'inquiète énormément. Donc, on peut à la fois, et on est dans le vrai, dans les deux cas, le voir comme un précurseur, d'ailleurs c'est dit dans l'extrait d'entrevue qu'on entend, un précurseur de la Révolution tranquille, mais aussi comme peut-être le contre-révolutionnaire tranquille par excellence. Donc c'est un peu cette... Et à travers donc cette réflexion qu'on a, on comprend mieux ce qu'a été la Révolution tranquille, à travers ces deux perspective. Un petit mot quand même sur cette figure importante, sur Lionel Groulx. Vous nous avez déjà dit à cette émission, pour vous, c'est l'un des deux ou trois grands historiens nationaux du Québec. Pourquoi? Oui, d'abord parce qu'il est à la fois un historien, mais il n'est pas que cela. Il a produit des œuvres d'histoire, d'historiens importants, mais il a aussi été un penseur traditionnaliste. Il a été un essayiste avec une veine prophétique, surtout durant les années 30. L'ampleur de son œuvre est très imposante. On parle de 11 500 pages imprimées. Ceux qui ont travaillé sur sa correspondance ont recensé jusqu'à 14 500 lettres entre 1894 et 1967 qui ont été destinées à 3 737 personnes. C'est 29 ouvrages historiques, autobiographiques. Il a aussi été auteur, il a écrit de la fiction. Alors, avec François-Xavier Garneau, avec aussi Guy Frégaud, entre ces deux grands historiens, à mon avis, Groulx est un massif pour comprendre une époque et pour comprendre une pensée aussi. Oui, ce sera très, très important aussi dans l'enseignement de l'histoire au Québec. Revenons au contexte de la Révolution tranquille. C'est le cœur de cette émission. Où situer Lionel Groulx dans ce grand tournant que va vivre le Québec dans les années 60? Je vous propose un premier extrait. André Laurendeau, le journaliste André Laurendeau, qui parle de l'héritage, de l'influence qu'aura eu Lionel Groulx à l'émission Présent du 23 mai 67. Le 23 mai 67, c'est quelques semaines après la mort de Lionel Groulx. Je suis convaincu, par exemple, qu'à l'heure actuelle, bien des gens qui ne l'ont pas lu, et qui même, dans certains cas, pourraient un peu sourire, parce que c'est un homme bien vieux, n'est-ce pas, et qui paraissait dépassé, ont été dans plusieurs parties de leur pensée influencées par lui. Et il me semble que ce qu'il a fait d'abord, cet homme-là, par rapport, en tant qu'homme d'action, là, par rapport au Canada français, c'est de nous donner un sens beaucoup plus large de ce que nous étions. Et quand il disait, par exemple, à un moment donné, au congrès de la langue française de 1937, n'est-ce pas, notre État français, nous l'aurons. C'était précisément, à mon sens, que vous donniez une interprétation séparatiste ou pas séparatiste à la question, pour moi, c'est irrelevant, n'est-ce pas? C'est pas vraiment là qu'il y a le problème. Ce à quoi il pensait vraiment, c'était à un État à l'intérieur duquel les Canadiens français pourraient s'épanouir, pourraient créer des choses, et pas simplement parler français. C'était beaucoup plus large, autrement dit. Cet État français dont parle André Laurendeau dans cet extrait, Éric Bédard, cet État français, il est central dans la pensée de Lionel Groulx. Qu'est-ce qu'il a en tête quand il pense à cet État français? Il pense à un État qui permet aux Canadiens français d'être, c'est le cas de le dire, maître chez eux. D'ailleurs, l'expression « maître chez nous », on la retrouve sous sa plume dans le dossier de l'Action française qu'il va diriger, la revue qu'il a fondée, qui va se transformer en Action nationale, lorsque le Vatican va condamner l'Action française de France, de Charles Maurras et tout ça. Donc, cette revue qu'il a fondée, il dirige un dossier, et c'est un dossier qui fait un peu le point sur la situation des Canadiens français à l'intérieur de la Confédération. Et ce que déplore Groulx, enfin ce que craint Groulx, c'est une deuxième conquête. Il y a eu la conquête politique de 1760. Or, il y aurait la conquête économique et culturelle des Canadiens français qui serait en train d'avoir lieu. Conquête économique parce que nous ne contrôlons pas nos richesses naturelles, nous ne contrôlons pas notre économie. Et conquête culturelle, mais là, c'est le traditionaliste qu'il est, c'est-à-dire l'urbanisation, l'influence de la culture américaine qu'il déplore. Alors donc, avoir un État français, c'est avoir un État qui est maître d'œuvre, qui prend des décisions pour le bien-être de la collectivité. Et en ça, il y a une critique de front, une critique frontale du libéralisme économique qui laisse le libre marché s'organiser lui-même. L'État français, c'est un État au service d'une nation, la nation canadienne française, et non pas au service de quelques intérêts partisans qui se disputent le patronage. Il était extrêmement critique de la classe politique de son temps et des querelles et du patronage. Et donc, c'était ça, l'État français. Donc, ce nationalisme, parlons du nationalisme culturel, on viendra, parce que c'est vrai que c'est lié au nationalisme économique un peu plus tard, qui fait partie pour lui de cette même affirmation nationale, mais sur le plan plus culturel. Évidemment, c'est un religieux, Lionel Groulx. Pour lui, langue, défense de la langue, l'État français, c'est la langue et c'est la religion catholique. Dans quelle mesure, Éric Bédard, c'est absolument indissociable? Est-ce qu'il peut, quand il voit ce qui se passe dans ces années 60, les années de la Révolution tranquille, est-ce qu'il peut concevoir un État québécois, une culture québécoise forte, française, mais qui ne fait pas de place à la religion catholique? Oui. Non, c'est inconcevable, c'est absolument c'est vraiment lié pour lui. Il a une conception organiciste de la nation, c'est-à-dire la nation, c'est un corps vivant, et un corps a une âme, a un cœur, et ce cœur, il est irrigué par une spiritualité, par une conception plus élevée de la vie. Et ça, c'était l'héritage du christianisme. Ça, c'est absolument indéniable. Donc, dans un premier temps, lorsqu'il voit cette révolution tranquille, on a entendu un extrait d'entrevue, il va publier un essai en 1964, ce Chemin de l'avenir. C'est probablement à la suite de la sortie de ce livre, de cet essai, de ce court essai de 161 pages, mais que c'est très bien vendu. Ouais. Presque 10 000 exemplaires de ce livre, Chemin de l'avenir avec un S. Il salue quand même un certain nombre de figures de la Révolution tranquille. Il aime beaucoup Jean Lesage. Il dit « Jean Lesage s'est converti à ma perspective. » Jean Lesage, qui était vu comme un ancien centralisateur à Ottawa. Ensuite, Georges-Émile Lapalme, dont on sait à l'époque, même si le document n'est pas public, qu'il a écrit le grand programme de la Révolution tranquille, qui sera publié beaucoup plus tard pour une politique. C'est un peu le penseur des réformes qui auront lieu. Et il a aussi une bonne opinion de René Lévesque. Il le cite. René Lévesque, qui était pourtant décrit par la presse de l'Union nationale en 1960, parce qu'il avait fait des reportages en Union soviétique, comme un crypto-communiste, comme un beatnik. Il était extrêmement mal vu par l'Union nationale, par Robert Humilly, un autre historien important de l'époque. Alors, pourtant, Gros a de bons mots pour René Lévesque. Il dit c'est quelqu'un qui a l'air sérieux, c'est quelqu'un qui a l'air vraiment à vouloir mettre en place cet État français, c'est-à-dire cette libération économique, et ces grandes institutions économiques nouvelles. Donc oui, à un État, on y revient. Hein. C'est fascinant quand même, le maître chez nous qui était le sien avant d'être le slogan de Jean Lesage. C'est un slogan qui est des années 20. Donc ça, cette prise en main des Québécois sur le plan culturel, sur le plan économique. Je reviens à l'aspect religieux. Cette modernisation de l'État des années 60 sous le gouvernement Lesage, c'est aussi la sécularisation de l'État, système de santé, éducation. Là, il doit, j'imagine, être en rupture totale. Il est en rupture totale. Alors là, il est... écoutez, les mots qu'il utilise dans son essai « Chemin de l'avenir » sont très forts. Il parle... Il a l'impression que tout s'effondre. Hein? Tout paraît s'effondrer autour de lui dans ce nouveau Québec qui est en train d'émerger. Il se sent, je le cite, aussi perdu qu'un enfant dans une forêt tropicale. Aucun événement dans notre histoire, écrit le même Groux, pas même la conquête anglaise ne nous aura remués, ébranlés jusqu'au fond de nos assises. Alors, vous voyez, donc, il salue cet effort de reprise en main, de libération économique. Il a utilisé le terme dans l'entrevue qu'on a. Mais il s'inquiète énormément de cette distance que l'on prend par rapport à cet héritage chrétien. Il faut voir que pour Groux, le Canada français, c'est un rameau de la France de Louis XIV, de la France du grand siècle, de la France d'avant la Révolution française. Oui. Donc, c'est la bonne France. La France qui était restée... la France qui était la fille aînée de l'Église. Alors, il y avait eu un rameau de cette France en Amérique et c'est comme si, d'une certaine façon, un peu comme notre accent, nous avions conservé dans le formol cette France pure, cette France catholique. Et là, de voir ce mouvement de déchristianisation, de sécularisation à l'œuvre, de voir que l'Église n'allait plus jouer ce rôle aussi important. Et en plus, je pense que Groux n'était pas très sympathique aux réformes qui avaient cours au sein de l'Église à la suite du Concile de Vatican II ou dans la foulée du Concile de Vatican II, lui qui portait le col romain, lui qui avait vécu... C'est un homme du 19e siècle, Lionel Groux. Un homme de tradition. C'est un homme qui est né, il ne faut pas l'oublier, en 1878. Oui. L'aspect politique, Éric Bédard, c'est évoqué. André Laurendeau en parle en disant « bof, c'est pas vraiment ça qui est important ». Au fond, Laurendeau dit « est-ce qu'il est indépendantiste ou pas ?» Oui. Avec nos barèmes d'aujourd'hui, comment le qualifier? Il est nationaliste, il est autonomiste, il est indépendantiste, Lionel Groulx? Alors, il a toujours eu de la sympathie pour les indépendantistes. Il a vu ça comme une voie possible, normale, pour le Canada français. Mais c'est comme si ce n'était pas sa cause principale. Ce qu'il souhaite, c'est un relèvement, c'est une prise en main. Mais une fois qu'on est une nation forte, parce qu'on est fort économiquement, parce qu'on est de bons chrétiens moralement, eh bien, peut-être que l'indépendance viendra comme une sorte de parachèvement. Mais les fondations de la nation sont économiques, sont culturelles, sont religieuses. Et s'il faut parachever ça par une indépendance politique, ben pourquoi pas? Je pense que c'était ça un peu sa position. Mais c'est pas son projet. Mais c'est pas ça qui est le moteur de sa pensée. C'est pas au cœur de sa pensée. Il va, ça c'est fascinant, il va tout au cours de sa vie s'intéresser beaucoup à la jeunesse et il va, au moment de la Révolution tranquille, se désoler énormément de ce qu'il constate auprès de cette jeunesse. Je pense que, puis on y reviendra, c'est cette espèce de rupture, là, de volonté de faire table rase qu'il n'accepte pas de cette jeunesse des années 60 qui fait la Révolution tranquille. On l'écoute à ce sujet à l'émission Caméra 64 en juin 1964. Aujourd'hui, quand je vois par conséquent cette éclosion, ce bouillonnement d'esprit, Je ne regrette qu'une chose, c'est que tout ça, ça ne se fasse pas sur un fonds de santé. On discute de tout, on écarte de tout, même les traditions religieuses. Seulement, vous savez, quand je vois que la jeunesse est morose, qu'elle passe son temps à faire l'anticléricalisme, c'est désuet, ces histoires-là. Alors, actuellement, je me sens parfaitement chez moi. Est-ce que je dis à la jeunesse? En fin de compte, je ne peux pas comprendre que vous soyez vraiment morose, boudeur. Hein? N'ayez que l'esprit critique, pas, sur les lèvres. C'est partout de parler d'indépendance, comme je le dis également. Mais commencez donc à nous bâtir la génération d'indépendance. C'est une belle tâche, ça. Alors, Éric Bédard, qu'est-ce qui heurte tant Lionel Groulx dans l'attitude de cette jeunesse des années 60? Ben, sa volonté de faire table rase. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce que la Révolution tranquille, c'est oui une révolution politique. On se dote, le Québec se dote d'institutions politiques, et ça, c'est, disons, plus particulier au Québec. Mais on peut aussi dire, même si le terme a été récupéré par un certain Mao, c'est aussi une sorte de révolution culturelle. C'est-à-dire que là, c'est les colonnes du temple qui sont ébranlées. On met en cause l'autorité qui vient du passé, on met en cause les institutions que sont même la famille, le pouvoir du père, l'école, on remet en question le fonctionnement de l'école, qui doit enseigner, comment. Alors, et il a le sentiment que les mauvais maîtres ont répandu leurs hérésies, on pourrait presque le dire. Et les mauvais maîtres, ils sont beaucoup français. Ils sont français, Camus, c'est Jean-Paul Sartre, exactement, Simone de Beauvoir, Henri de Monterland, André Gide, le plus dangereux de tous, ajoute-t-il, qui ont semé le doute dans l'esprit de la jeunesse. Hein. Ce sont des maîtres du soupçon. Et ils pointent du doigt et Cité Libre et Radio-Canada, qui ont relayé leur pensée. Aussi, il en a contre cette espèce de légèreté qui le met mal à l'aise. Et bien sûr, quand on se mariait, on avait une certaine pudeur, on attendait les bons moments. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des naissances hors mariage. On le sait, il y en a eu beaucoup durant les années 50. Mais il avait l'impression, il parle de ces chansonnettes de la plus entière vulgarité qui sont diffusées à Radio-Canada. Et je le cite parce que c'est presque comique quand on le lit aujourd'hui. Comment ne pas s'affliger de ces sauteries d'épileptiques, folles et fortes de fillettes de 10 ans à 12 ans, les cheveux dénoués, mêlés à des bambins du même âge et qui s'ingénient à se défaire le corps, à se tordre en tous sens. Ouais. Alors on imagine qu'il voyait là des émissions là de danse à la télévision. Il voyait aussi ces jeunes qui défilaient devant lui, qui sortaient des classes. Donc, il y a beaucoup de sexualité. Il y a l'impression que c'est le retour de l'instinct. Oui. Il n'y a plus ces institutions qui encadrent la jeunesse. C'est une jeunesse qui n'écoute qu'elle-même, qui tourne le dos au passé. Voilà, critique des mœurs, mais aussi ce le fait qu'on tourne le dos au passé, pour lui, oui, à une certaine marche vers l'avant, mais toujours en se souvenant des racines, d'où on vient. D'où on vient, et aussi en respectant une certaine assaise morale. Oui. S'il n'y a pas d'assaise morale, il y a le règne des instincts, des bas instincts. Ça ne peut qu'aller vers une sorte de dégénérescence de la nation. Bon, il reste que cette rupture-là, cette rupture par rapport aux mœurs du temps, par rapport à cette jeunesse des années 50-60, fait que Lionel Groulx va perdre un petit peu, petit à petit, va être mis un peu au rancard. Sa pensée va être moins souvent citée, il va perdre son influence. On écoute à nouveau et plus longuement cette fois l'historienne Lucia Ferretti sur l'héritage de Lionel Groulx à l'émission Au fil du temps en 1992. C'est sûr que dès avant la Révolution tranquille, dans les années 50, Groulx n'avait plus l'influence d'autrefois sur ceux qui définissaient désormais le destin du Québec, là, puis qu'en un sens, on le considérait plus comme un monument historique que comme un interlocuteur encore contemporain. D'une part, c'est certain que la façon dont Groulx posait certaines questions, la question de l'entente entre les deux peuples fondateurs, sa vision de la Confédération, son angoisse devant les difficultés pour les Canadiens français de maîtriser leur destin économique. Ces questions-là ne se posent plus depuis 1960 dans les termes dans lesquels Groulx les posait. Par contre, il y a dans l'œuvre de Groulx des choses qui ont été, je dirais, oubliées dans les années 60 et qui sont de plus en plus maintenant en train de réémerger. Comme par exemple, son interrogation profonde sur comment assurer l'épanouissement des cultures des petits peuples dans un monde en constante uniformisation. Sa critique d'un libéralisme à tout craint. À ce niveau-là, je pense qu'on peut dire qu'il y a des cycles et qu'après une période d'oubli ou même de dénigrement, j'ai assez confiance que le temps joue en faveur de Groulx. On reviendra sur ce qui reste de la pensée, et qui reste très actuel de la pensée de Lionel Groulx dans un instant. Lucia Ferretti en parlait, mais juste un petit mot quand même, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé. Cette mise au rancard dans les milieux officiels, dans les milieux de pouvoir, qu'est-ce qu'il explique? Bon, alors, on pourrait dire que le moment où Groulx est le plus influent, c'est durant les années 30. Ce sont des années de crise économique, de crise morale, de crise politique. On cherche des explications. Et Groulx, en fait, arrive avec... il est dans la soixantaine, donc il est pas jeune déjà, on est dans les années 30. Mais il a toutes ses explications sur cette seconde conquête, cette dégénérescence des élites, cette nécessité que pour la jeunesse de tourner le dos aux querelles partisanes, à une sorte d'affaissement moral. Ouais. Il en appelle à la jeunesse et donc ça culmine au congrès de 1937 lorsqu'il fait son fameux discours sur notre État français, nous l'aurons. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, ses disciples, justement, on a entendu André Laurendeau, mais tout le courant qu'on dit néo-nationaliste qui se développe à l'Université de Montréal, eux ne sont pas des penseurs traditionnalistes, dissocient la nation et la religion, et donc vont prendre un peu leur distance. Et Groulx va davantage s'investir dans son travail d'historien, va fonder la Revue d'histoire d'Amérique française, va fonder l'Institut d'histoire d'Amérique française, va donc doter la profession d'historien d'institutions fondamentales, il va poursuivre le développement du département d'histoire de l'Université de Montréal. Il va plus s'investir là-dessus. Il va écrire une grande synthèse durant les années 50. Il va publier Le Canada français missionnaire en 1962. Donc, il veut être reconnu davantage par l'institution universitaire comme profession. Il quitte un peu ce rôle de prophète qu'il avait joué durant les années 30. Au final, il en reste quoi de cette pensée de Lionel Groulx avec nos critères actuels? Puis évidemment, on peut pas ne pas parler de cet aspect parce qu'il a été souvent évoqué ces dernières années, l'aspect antisémite de Groulx. Bon, OK, bon, l'aspect antisémite, ça a été beaucoup traité. En effet, il y a quelques veines qui ont été écrites parfois sous pseudonyme. Il y a un antisémitisme culturel qui est très, très partagé durant les années 30. Et Groulx n'est pas exempt de phrases malheureuses. Par contre, ceux qui ont étudié sa pensée nous disent que si on enlève ces phrases malheureuses de son œuvre monumentale, l'édifice tient. Et peut-être un antisémitisme économique aussi. Hein? C'est-à-dire que c'est C'est le pouvoir anglophone. Économique, c'est-à-dire juif. On envie les Juifs d'avoir cette solidarité. Donc, c'est une forme d'admiration envie. Mais ça, c'est très commun. On a vu ça souvent. Donc, les Juifs, eux, se tiennent. Nous devrions faire comme eux. Alors, c'est tout à fait d'époque. C'est pas pour l'excuser ou le minimiser, mais c'est d'époque. Groulx aujourd'hui. Alors, moi, ce que je retiens, c'est que, justement, la puissance ou le rayonnement d'une nation, ça tient à différents facteurs. Ça ne tient pas seulement à son statut politique, mais c'est sûr que c'est important. Ça ne tient pas seulement au rayonnement de sa culture, mais ça tient à une dynamique de tout ça, mais surtout aussi de l'économie. Il a introduit la dimension économique dans le nationalisme canadien-français. Même s'il était prêtre, il a vu que c'était fondamental pour le relèvement de son pays. Éric Bédard, historien à la TELUC, collaborateur régulier de l'émission. Merci beaucoup, Éric. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.